Dans une société où on est jugé sur nos talents, on cherche à dépister, à voir quels sont nos talents. Quand on les trouve, évidemment, on se fait payer pour. Quand on les trouve pas, on se sent raté. Et évidemment, on cherche des gens qui vont nous reconnaître un talent, nous identifier un talent. Et évidemment, c'est pas chose facile. On comprend pas toujours la mécanique du talent, le karma. On comprend pas toujours la destinée de nos talents. Et on reçoit Bernard de Montréal ce soir pour nous expliquer, pour nous faire voir nos talents. Bernard. Bonsoir Bernard. Bernard, on a souvent l'impression que l'argent amène le monde. Puis pour faire de l'argent, il faut avoir des talents. Et puis quand on n'a pas dépisté, on n'a pas situé nos talents, on a souvent l'impression d'être raté dans la vie. Est-ce que tout le monde à la naissance dispose d'un talent qui lui permet de faire face à la survie matérielle, sociale, psychologique? Oui, tout le monde a des talents. Tout le monde a des talents, puis l'homme a des talents qui sont cachés. Autrement dit, des talents qui n'ont pas été mis, qui n'ont pas été exécutés, qui n'ont pas été mis en expression. Il y a une des raisons pour laquelle beaucoup de gens sont pris avec l'expérience du talent non exprimé, c'est dû au fait que on vit dans une société où les gens ont peu de relations entre eux. Et plus la société devient complexe, plus c'est difficile de développer des relations avec les hommes qui sont réellement créatives. Puis, les relations avec les hommes, c'est un petit peu comme de la terre. Si vous avez des talents, vous n'avez pas de relations humaines, votre talent demeure, peut demeurer très, très longtemps inexprimable, ou il peut simplement se mécaniser. Les gens, par exemple, qui travaillent dans des, qui ont des jobs, là, qui durent des 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans, toujours la même routine. Mm-hmm. Ce sont des travaux qui sont aliénants, puis, c'est très important pour l'homme, surtout dans une société moderne, d'apprendre à s'ouvrir, à développer des liens avec des hommes autour de lui. Puis ça, c'est une conférence à faire, ça, parce que c'est très intéressant. Puis une fois que c'est fait, à ce moment-là, il s'établit des relations entre les êtres qui sont suffisamment fécondes, mm-hmm, pour que les talents qui sont cachés sortent. Mm-hmm. Un talent, ça fait partie de l'âme, ça fait partie des mémoires anciennes. Puis l'homme est très, très intelligent. Autrement dit, l'homme a accès à beaucoup d'intelligence. Puis s'il n'a pas de relations, s'il n'est pas capable de développer des relations avec les hommes, des relations réellement saines, solides, fondamentales. À ce moment-là, il y a une grande partie de son intelligence qui n'est pas exprimée, qui est obligée, pour vivre, de baser sa survie sur ses talents. Et ça, c'est très, très limitatif. Donc, vous diriez que l'individu qui sent raté ou qui semble rater sa vie, c'est un individu qui manque d'association ou de relations humaines. Les gens qui sont ratés, ce sont des gens qui se sont vendus au système. Le système, de par l'éducation et ainsi de suite, le système, c'est une sorte de prison. Ça peut être une prison dorée pour certaines personnes, mais ça demeure toujours une prison. Puis un individu qui n'est pas capable de développer des relations avec les hommes, des relations réellement solides, ne peut pas bénéficier complètement du système, ne peut pas se créer des systèmes en parallèle, ne peut pas se créer de conditions qui, si le système devient trop saturé ou devient trop compétitif, ainsi de suite, ou trop sélectif, ces gens-là sont obligés de, à ce moment-là, de se recycler. C'est ce qu'on entend parler aujourd'hui, mm-hmm. de recyclage. Je pense que le problème du talent est basé fondamentalement sur le fait que les individus, dans une société moderne surtout, qui ne se connaît pas, parce qu'il y a beaucoup d'aliénation, il y a beaucoup de murs qui séparent les hommes, il y a beaucoup moins d'honnêteté aujourd'hui qu'auparavant, ainsi de suite. Je pense que le problème fondamental de l'homme concernant ses talents, concernant sa survie, l'élimination de la survie, la création ou de son énergie créative d'une façon réellement ouverte sur le monde, est dû au fait que l'homme ne sait pas se créer des alliances. Mm-hmm. Pour mettre en relief un talent, est-ce que ça doit nécessairement être reconnu de l'extérieur ou si l'individu doit se reconnaître un talent? Est-ce qu'on doit absolument passer par le phénomène d'une popularité, exemple, quelconque, là, pour sentir qu'on a du talent ou si on peut reconnaître qu'on a du talent soi-même? Le terme talent, ça me fatigue parce que le terme talent, c'est astral. Dans le sens que la personnalité est totalement fondée ou connectée avec le mémoriel ancien de l'expérience. On devrait regarder l'expérience du talent puis l'amener un peu plus loin, puis parler de conscience créatrice. Mm-hmm. Mais conscience créatrice demande, nécessite transmutation de la personnalité. Passage de la personnalité à la personne, développement de l'identité. Là, à ce moment-là, l'homme se découvre de nouveaux talents, autrement dit, d'autres avenues créatives pour sa personne. Puis, à ce moment-là, il commence à être libre. Il peut faire des choix. Il n'est pas simplement limité à des choix qui lui sont imposés par une société. Si on retourne, par exemple, dans les années 50, la société avait besoin d'ingénieurs. Bon, c'était la grosse affaire dans le temps. Tu t'en allais en ingénierie puis tu avais un job. Aujourd'hui, le marché est saturé. Donc, il y a beaucoup de types aujourd'hui qui ont des maîtrises, des doctorats, des Bachelor of Science. Puis, ils ne peuvent pas se trouver de travail quand ils ont perdu leur job. Et ils restent sur leur job parce qu'ils ont peur de ne pas en trouver un autre, ainsi de suite. Mm-hmm. Et ça, c'est très dangereux parce que ça nous limite. Et ensuite, ça nous rend victimes des conditions politico-sociales, économiques présentes. Et plus ça va, plus c'est difficile, plus c'est difficile, plus c'est difficile. Puis après ça, les gens, bon, pour une raison ou une autre, une raison qui est normale, se replient sur le système social et veulent que les gouvernements prennent soin des autres. Donc, ils perdent toute leur énergie, ils perdent leur liberté, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su se créer des alliances. C'est un problème que l'humanité, surtout les gens qui vivent dans des sociétés complexes, industrialisées, évoluées, vont connaître dans les années à venir. On commence déjà à sentir la soupe chaude. On va prendre, par exemple, si on retourne 20-25 ans en arrière. Il y a 25 ans en arrière, on parlait de... On pouvait dire, bon, ben être professeur à l'école, c'est une bonne job. Parce que pour nous autres, c'est un idéal dans ce temps-là. Bon, les gens étaient relativement polis, les étudiants respectaient les professeurs, on n'était pas rendu dans l'âge du cégep encore, on avait l'ancien système. Puis, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas tout le malaise d'aujourd'hui. Mm-hmm. Mais un type qui demeurerait fixé dans ce talent-là, d'être un prof à l'école aujourd'hui, c'est quasiment une initiation. Ouais. Il n'y a plus de plaisir. Ouais. Bon, alors, s'il base sa vie ou sa survie sur un talent, il n'y a pas suffisamment d'esprit, pas suffisamment de capacité de se créer d'autres relations humaines ou des relations humaines pour réellement faire sortir de lui ce qui fait partie de son intelligence créatrice. Bon, mais il risque d'être un professeur dans une jungle. Mm-hmm. Puis éventuellement de faire un nervous breakdown. Donc, le talent, pour moi, c'est une... pour moi, ça peut être une barrière psychologique pour l'homme. Puis je crois que c'est pas sain de regarder notre vie en fonction d'un talent. Faut regarder notre vie en fonction de notre capacité d'exprimer ce qu'on est, ce qui est en nous. Puis ça, ça demande des contacts humains. Mm-hmm. Est-ce que vous diriez que c'est plus important de savoir s'adapter dans la vie d'aujourd'hui que de développer un talent? Oui. D'ailleurs, on s'en va vers ça. Hein? L'homme moderne, l'homme du 21e siècle sera un être qui saura s'adapter. D'ailleurs, ceux qui s'adapteront pourront vaincre les conditions sociales, économiques, politiques. Ceux qui ne sauront pas s'adapter vont finir au bas de l'échelle, puis vont devenir les nouveaux pauvres de la société industrielle. Mm-hmm. L'homme doit s'adapter. Ça, c'est comme un type qui travaille dans une industrie, dans une petite ville, puis l'industrie a brise, elle arrête, elle fonctionne plus, ça fait 25 ans qu'il travaille là-dedans. S'il n'est pas suffisamment intelligent pour se sortir de son talent, puis aller dans une autre direction, à ce moment-là, il est fait. Mm-hmm. Est-ce que compétence et talent, c'est synonyme? La compétence, c'est mécanique, c'est psychologique. C'est une forme d'intelligence. Seulement, c'est pas nécessairement créatif. Il y a des gens qui sont très, très compétents, mais ils sont pas intelligents. Mm-hmm. C'est pas parce que t'es compétent que t'es intelligent. Par contre, la compétence, une fois que t'es intelligent, ou quand t'es intelligent, ou quand t'es créatif, la compétence, elle devient très, très utile à ce moment-là parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas mécanique. Elle peut s'adapter, elle peut varier, elle peut se moduler. La compétence, c'est ce que j'appellerais l'agressivité de l'intelligence créatrice. C'est ça de la compétence, parce qu'une personne qui est compétente, si tu regardes une fille qui travaille comme secrétaire puis pour un avocat, puis tu rentres dans le bureau, puis elle tape son texte, puis une demi-heure après, c'est fait, elle est compétente. Mm-hmm. Il y a une agressivité là-dedans. Les gens qui sont compétents ont une certaine agressivité qui fait partie de leur intelligence. Par contre, s'ils sont réellement intelligents, conscients, ainsi de suite, éventuellement, la compétence ne devient pas pour un boulet de canon, parce qu'il y a des gens qui souffrent de la compétence. Ensuite, la compétence, ils veulent devenir performants. Mm-hmm. Le patron, il voit ça. Fait que là, ils deviennent automatiquement exigeants. On exige deux. Donc, c'est un prix. On peut payer le prix de notre compétence si on n'est pas intelligent. Mm-hmm. Fait que la compétence, c'est une qualité psychologique, mais ça doit être réellement allumé. Ça doit être rendu intelligent. D'ailleurs, tout doit être rendu intelligent chez l'homme. Le talent doit être rendu intelligent. Donc, il devient conscience créatrice. La compétence doit devenir intelligente, dans le sens que l'homme ne doit pas payer, ne doit pas être... vampirisé par ses pairs, par ses patrons, et ainsi de suite. Il faut qu'ils soient capables de se protéger. Il y a des gens qui sont compétents, puis leur compétence, ça devient leur carte de crédit, ça devient la mesure de leur performance, puis on exige des autres, puis un jour ils se brûlent, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas intelligents. Fait que la compétence seule, c'est passé. Si t'es pas intelligent, que tu sois n'importe quoi, c'est passé. Faut toujours être intelligent. Puis être intelligent, mais c'est pas évident. La façon que j'entends ça, on dirait qu'on peut rater notre vie même avec de la compétence et du talent. Effectivement, on peut rater notre vie avec de la compétence, parce que la compétence, c'est mécanique. Du talent, c'est mécanique, ça fait partie de la mémoire. Donc là où il n'y a pas d'intelligence, où il n'y a pas de lumière dans l'homme, que vous ayez du talent ou que vous ayez de la compétence, vous pouvez rater votre vie, parce que votre vie est prédéterminée en fonction du système dans lequel vous vivez. Mm-hmm. Donc, vous n'êtes pas créatif, vous n'êtes pas autonome, vous n'êtes pas capable de former des nouvelles alliances, vous n'avez pas de mobilité, vous n'êtes pas capable de changer votre fusil d'épaule quand c'est nécessaire, mm-hmm. vous n'êtes pas capable de vivre à partir de vous, vous vivez toujours par rapport au système, et ainsi de suite. Puis là, on s'est rendu très grave, on est réellement prisonnier, là, on est comme des rats dans une cage. Mm-hmm. Comment que l'individu peut prendre les nouvelles règles d'une conscience créative? Comment est-ce qu'il doit reconnaître les règles d'une conscience créative? Qu'est-ce qu'il faut pour savoir qu'on a une conscience créative? Dans une conscience créative, il y a beaucoup d'individualité, il y a beaucoup de centricité. On vit pas pour soi, mais on vit par rapport à soi. Puis on projette ça dans le monde. On part de soi, puis on le projette dans le monde. On vit pas par rapport au monde, c'est l'envers. L'homme conscient projette de lui-même vers le monde. Ça, c'est de la conscience créatrice. C'est un indice de la conscience créatrice. Il y a beaucoup d'indépendance d'esprit. Il y a une capacité de couper une situation puis en créer une autre. Beaucoup de mobilité. Il n'y a pas de limite, techniquement. Il n'y a pas de limite. Il met le système à sa mesure. Il utilise le système. Il utilise le système créativement. Mais il ne se fait pas utiliser par le système. Ça, c'est pas évident. OK. Quand on parle de système, Bernard, on parle automatiquement de relations avec des gens qui sont dans un système. Comment des gens qui sont vendus à un système, dans le sens que ils vont défendre le système à la vie, à la mort, pour leur sécurité ou par l'insécurité, comment on peut s'allier des gens qui sont dans un système quand on a travaillé avec un système? Ou ce sont ces gens-là qui dirigent, qui contrôlent, qui manipulent les prises de décision là-dedans? Les systèmes sociaux qui existent, ils ont une vie par eux. Ils ont une vie par eux-mêmes. Un système, c'est totalement mécanique. Un homme, si l'homme est conscient, il peut se créer un système, mais c'est sa conscience qui se crée un système. Mm-hmm. Mais les hommes aujourd'hui vivent à l'intérieur d'un système qui est totalement acéphale, dans le sens qu'il n'y a pas d'intelligence dans un système. C'est le produit, le résultat d'un développement graduel au cours des siècles, au cours des générations. Et ça, ça a sa propre loi. Regardez ce qui se passe au niveau des lois, les lois juridiques, les lois sociales, les lois gouvernementales. Si on prend le gouvernement, c'est un exemple. Ce sont des conditions, ce sont des statuts, ce sont des conventions qui dépassent l'individu, qui sont plus grandes que l'individu. Ça fait partie du pouvoir de l'État sur l'individu. Si l'individu réussit pas un jour à se sortir, à se prendre réellement en main, puis exprimer sa conscience créatrice par rapport à ces systèmes-là, l'homme pourra jamais se sortir de survie, il ne pourra jamais se rendre libre des conditions politico-socio-économiques. Donc, plus ces conditions-là deviennent difficiles, plus elles sont saturantes, plus elles sont compressantes, ben, l'homme en est la victime. Et aujourd'hui, on est la victime de ceci. Hmm. Je vais poser ma question différemment. Vous avez 10 personnes qui sont substantiellement intelligentes. Ils se créent ensemble un système. Quand est-ce que ce système-là va être en danger de devenir pas intelligent? Il va être en danger de ne pas devenir intelligent lorsque ces individus-là cesseront de se respecter. OK. Donc, vous voulez dire que tout système qui ne respecte pas l'individu devient mécanique et abruti. Il devient mécanique, puis tombe sous les lois riemanniennes, astrales. Okay. Fait que c'est pas le système qui est à blâmer, mais ce sont les individus qui sont dedans. Ce sont toujours les individus qui sont dedans, parce que ce sont les individus qui créent la société. L'État n'existe pas ou les systèmes n'existent pas par eux-mêmes, ce sont les individus. Par contre, dans une société évolutive, les systèmes, à cause de leur historicité, les systèmes sont devenus des forces, des prisons, à l'intérieur desquelles les individus sont engoués, emprisonnés. Mais l'homme conscient, des êtres conscients, qui se créent des relations humaines, basé sur le respect mutuel de leur identité, ces êtres-là sont capables de se créer un système en parallèle avec les systèmes qui existent et se sortir éventuellement de la survie. Mais la condition fondamentale, c'est le respect de l'homme. Ce que dans une condition évolutive, on n'a jamais réussi à faire. Mm. Parce que les systèmes aliènent l'homme. Tandis que dans un système créatif, autrement dit, dans une structure psychologique indépendante des lois mécaniques de l'évolution, l'homme est capable de se créer un système intelligent, c'est-à-dire une grid opérationnelle permettant à ses facultés mentales, émotionnelles et sa corporalité de se statuer à volonté. Ça, c'est un système créatif. C'est la fondation, c'est le potentiel fondateur d'une race racine. C'est ce que l'homme demain conscient, l'homme solaire, pourra demain se créer pour finalement se sortir de la survie. Sinon, l'homme sera totalement prisonnier des conditions qui s'en viennent. Bon, maintenant, une personne comme vous, vous avez une conscience créative, vous l'avez déjà démontré. Est-ce que vous êtes capable, par le respect, de créer des alliances à l'extérieur dans des structures qui sont entre guillemets inconscientes ou qui sont mécaniques comme telles? Oui, dans la mesure où je mesure bien mes relations. Dans la mesure où je mesure bien mes relations. Vous voulez dire quoi par ça? en fonction de ma voyance. Je donne un exemple. J'appelais un type à Miami aujourd'hui, qui est un agent pour nous autres, là, qui travaille pour nous autres. Puis c'est un type qui est moral, il est honnête, c'est un bonhomme, mais il est pas vite, il est pas allumé. Faudrait donner un cours en communication. Tu envoies un fax, puis il te rappelle, tu es obligé de rappeler 4 jours plus tard pour te faire dire, bon ben ton fax t'as pas de l'air. Mais pourquoi si tu m'as pas appelé pour te dire que t'as pas de l'air, je t'en envoie un autre, et ainsi de suite. Fait que c'est un homme qui est moral, c'est un homme qui est moral. Donc à ce moment-là, mais parce qu'il est moral, mais je suis willing de continuer à travailler avec lui. Par contre, si j'avais à travailler avec lui dans un cadre où j'aurais besoin beaucoup de communication, et s'il me donnait pas de communication, à ce moment-là, je serais obligé soit de le laisser aller ou d'y donner un choc puis faire comprendre que pour former une entreprise telle que la nôtre, ça prend de la communication. Fait que ça dépend ce que tu veux faire avec l'homme. Ça dépend de tes besoins. Comme c'est notre agent. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des choses à Miami ou aux États-Unis, puis je vais les acheter moi-même, puis je vais les faire transporter, shipper dans sa compagnie. Puis lui, il va y prendre de là et les envoyer dans le sud, par exemple, en Haïti. Bon, à ce moment-là, je sais que j'ai tout le matériel. Je choisis moi-même le matériel. Mais je perds d'énergie. C'est lui qui devrait le faire. Je devrais dire, bon, ben, j'ai besoin de telle sorte de machine, achète-moi ça, bang, puis fermez les yeux. Mais pour le moment, à cause de la compression du temps, à cause de l'embargo en Haïti, je peux pas faire ça. Fait que je suis obligé de prendre les choses en main. Mais un jour, là, quand ça va être plus tassé, cette chose-là, là, il va falloir qu'il se tasse, sinon je vais m'en séparer. Mm-hmm. Fait que ça dépend toujours de tes besoins. Quand tu travailles avec des gens conscients, c'est jusqu'où ces êtres-là peuvent être utiles. Puis le côté moral est important parce que moi, je suis pas un homme, j'aime pas me faire voler, j'aime pas me faire décevoir, j'aime pas me faire désappointer, je perds trop d'énergie. Donc à ce moment-là, je choisis les gens inconscients avec qui je peux travailler. Mm-hmm. Fait qu'ils sont peut-être pas aussi compétents que d'autres, mais au moins je relaxe à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc, est-ce que dans ces cadres-là où vous avez à négocier avec des structures qui sont, comme vous dites, mécaniques, le respect est possible au-delà du profit que les gens peuvent faire avec vous? Parce qu'aujourd'hui, si t'es pas payant pour quelqu'un, généralement, c'est assez difficile de garder la relation ensemble. C'est pour ça que le respect est important. Mais est-ce que le respect, ça inclut le fait d'une profitabilité? Non, le respect, c'est de... C'est-tu au-dessus ou au-delà? Le respect, c'est tellement fort, le respect, dans le sens que je me parle, pas le respect mécanique des conventions humaines, mais le respect de l'homme, c'est tellement important, c'est tellement fort qu'un être qui respecte l'homme, à ce moment-là, il peut s'attendre en retour d'un échange avec l'autre. Et la profitabilité, comme vous dites, c'est le résultat de ça. Mm-hmm. Le problème avec les gens, c'est que les gens s'intéressent plus au profit qu'au respect. Donc, à ce moment-là, le profit est conditionné à des conditions sociales, à des conditions politiques, à des conditions qui sont totalement mécaniques. Alors que l'homme qui sait respecter l'homme, la profitabilité, c'est une conséquence de ça. Puis, vous pouvez pas, ça se conditionne pas le respect pour un être conscient. Le respect, c'est fondamental, ça fait partie de la conscience créatrice, ça fera partie de la conscience créatrice demain, ça sera totalement nouveau chez l'homme, ça permettra un renouvellement des relations humaines, ça permettra de la création des alliances, ça permettra réellement la fondation d'une race racine, ça permettra à des hommes de sortir des tentacules du pouvoir, des systèmes sociaux qui existent, pour se créer des systèmes en parallèle. Mais ça se conditionne pas, le respect, ça se monnaie pas, le respect. C'est réellement l'amour de l'intelligence mentale, le respect. Et le respect que l'homme conscient connaîtra n'est pas le respect que l'homme de l'évolution a connu. Pouvez-vous faire la différence entre les deux? Le respect de l'homme conscient, c'est équivalent à la présence de son esprit dans la matière. Mm-hmm. Autrement dit, quand tu es conscient, ton esprit est toujours là dans la matière, travaille avec. Tandis que dans l'évolution, l'homme était spirituel, l'homme avait des valeurs spirituelles, le respect pour l'homme faisait partie des conventions sociales, ainsi de suite, mais ne faisait pas réellement intégralement partie de sa conscience. Il faisait ça faisait partie des modes, des mœurs de son inconscient. Mm-hmm. Puis quand il arrivait des choses, des conditions, mais le respect sautait. Tandis que dans la conscience humaine intégrale de l'évolution, le respect fera partie des murs de la conscience humaine. Ça, ça sera avec ça que l'homme pourra travailler, se créer des alliances, se créer des systèmes en parallèle et réellement, finalement, se sortir de la survie. Parce que un homme qui respecte un homme et vice-versa, tu deviens comme, ces êtres-là deviennent comme des frères, mais plus que des frères biologiques, des frères dans la lumière, des frères réellement, ils se créent des liens puissants entre eux, puis ces liens-là ont pas d'ombrage. Mm-hmm. Est-ce que du respect, c'est, ça peut être quand c'est bâti entre deux individus, est-ce que ça peut être testé par des événements? Oui. Le respect, ça peut être testé par des événements. Puis, dans la mesure où les événements vont confronter des individus, mais ça, c'est à ce moment-là que on voit si l'homme a du respect pour l'autre. Parce que c'est pas quand ça va bien entre nous autres, que le respect est testé, c'est quand ça va mal. Mm-hmm. Moi, je préfère toujours des situations où ça va mal que des situations où ça va bien. Mm-hmm. Des situations où ça va bien, la nature animale sort pas. Vous pourrez jamais tester vos alliances avec les hommes si vous avez de l'argent, si vous faites des parties, puis ça va bien ensemble. Vous allez tester vos alliances avec les hommes si ça va mal. Mm-hmm. Ça fait partie des lois de l'évolution parce que l'homme nouveau, c'est un être solaire. Donc, l'être solaire sera testé contre l'être lunaire. Mm-hmm. Les forces solaires seront testées contre les forces lunaires. Donc, un être qui a réellement du respect pour l'être, pour l'autre, quand, when the chips are down, comme on dit, quand ça va réellement mal, c'est là qu'on voit s'il y a du respect. Moi, je bâtirai jamais ma relation humaine avec des hommes quand ça va bien. Mm-hmm. Jamais, jamais. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Puis ceux qui me connaissent pour ça. C'est qu'il faut que ça aille mal quelque part pour voir s'il y a réellement de la matière derrière la forme. Mm-hmm. Ouais, c'est une bonne... Ça veut dire que quand vous avez... Oui, mais il faut que vous abordiez vos relations quelque part quand ça va bien. Vous les abordez toujours quand ça va bien. Il n'y a personne qui aborde ses relations quand ça va mal. On n'est pas des cons. Ah. On les aborde quand ça va bien. Par contre, avec le temps, ça va mal. Avec le temps, ça va toujours mal. Ah. Puis dépendant des conditions, dépendant de ce que vous faites, dépendant du niveau de créativité que vous faites, c'est quand ça va mal que tu vois si les gens sont solides. Mm-hmm. Pas quand ça va bien. Même pour moi, rencontrer quelqu'un là où ça va bien, je serais capable de voir quand ça va aller mal. Je me dis, dans 5 ans, ça va aller mal entre nous autres. Mm-hmm. Puis là, il me dira, non, non, non, ça va toujours aller bien entre nous autres. Non, dans 5 ans, ça va aller mal. Puis dans 5 ans, ça va mal, puis c'est là que tu vois si le gars est réellement solide. Puis c'est avec ces hommes-là, quand ils ont passé l'astral de leur conscience, qu'ils sont capables de maintenir le respect, donc l'amour mental entre eux-mêmes, malgré toutes les difficultés, mm-hmm. c'est là que tu développes des alliances, c'est là que tu te crées des systèmes en parallèle, puis c'est là qu'éventuellement tu sors de survie. Okay. Parce qu'il y a un processus transmutatif qui se crée, là, l'émotion, le mental, la personnalité, tous les défauts qu'on a. Bon. Une autre question qui me vient avec ça, étant donné que le phénomène des alliances, ça semble être vital pour chaque individu. J'insiste sur le fait que pour que ça aille mal, ouais, je relance ça là. Vous avez, à un moment donné, testé quelqu'un. Est-ce que si vous avez testé quelqu'un, il est testé pour un autre de vos amis? Alors? Mettons, exemple, disons que vous m'auriez testé. Est-ce que moi, je suis testé pour un autre? Ou si l'autre doit aussi me tester? Je ne comprends pas. Bon, une alliance. Est-ce que c'est d'individu à individu? Ou si un individu a testé un individu, il est testé pour une collectivité? Non, pour savoir combien de tests qu'on a passé dans la vie, si tu as 100 amis, tu as 100 tests à passer, moi, je sais que je suis à ma limite des tests, là, tu sais. Ça dépend qui vous êtes, ça dépend de votre rôle, ça dépend de votre fonction. Moi, je suis un initié, fait qu'automatiquement, je vais toujours tester les gens initiatiquement. Oui. Puis je vais leur expliquer dans ce processus-là ce qui se passe, puis éventuellement ce qu'ils vont apprendre. Ce qu'ils vont apprendre de cette expérience-là, bon, ça va faciliter leur relation avec les hommes. Fait que, pour répondre à votre question, dans le fond, si un homme était testé puis comprendrait tout le test tout de suite, les autres n'auraient plus besoin d'être testés. Les autres par rapport c'est, à lui. C'est pas ça ma question. Non, c'est pas ça. Non. C'est se mettre sous la vibration d'une autre personne. C'est très grave, faire confiance. Ah ouais. Tu peux jamais faire confiance à un être inconscient. Vous emmenez votre auto au garage. Oui. Est-ce que vous faites confiance? Jamais. Non. Non. Mais si j'amènerais mon auto dans le garage de Bernard Labelle, je ferais confiance. Oui. Parce que suffisamment de conscience vibratoire pour délivrer, produire. C'est pour ça que les hommes dans l'involution, par exemple, vivent toujours des situations décolorées par rapport. On raconte des gens, oui. Mais quand ça arrive au bout de la ligne, non. Moi, je peux pas vivre ça, moi, faut sauter. Fait que, non. Est-ce que le respect vient après la confiance ou il faut de la confiance pour avoir du respect? Non. La confiance, c'est quelque chose qui côtoie le respect. Quand tu as le respect d'une personne, une personne a le respect de toi, la confiance, c'est l'agrémentation du respect. Mm-hmm. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, donc automatiquement, la confiance est périphérale à ça. Mais la confiance, elle ne fait jamais partie de mon focus, parce que vous seriez jamais capable d'agir comme moi je peux agir anyway. Fait que je peux pas avoir entièrement confiance, mais je peux avoir du respect, par exemple, puis j'aurais suffisamment de confiance pour faire mon petit bout de chemin avec vous, parce qu'on a tous nos degrés de sensibilité. Fait que la confiance, mettre sa confiance dans une personne, c'est transposer notre moi dans l'autre. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est abominable de faire ça. Vous allez automatiquement avoir des déceptions. Vous pouvez entraîner, il y a des gens qui ont une certaine conscience vibratoire, vous pouvez entraîner des gens à réellement échanger avec vous là sur une base de... Moi, c'est très important, moi, la communication. Donc, échanger, là. Tu donnes A, tu donnes un, puis tu reçois un, tu donnes un, puis là, ça devient une grande expérience, ça devient, là, c'est réellement là que vous parlez de compétences au niveau de communication. Bon, mais ça, c'est intéressant. Là, à ce moment-là, vous avez de la confiance. Là, il peut avoir de la confiance très, très rapprochée. Vous avez pas de déception. OK. Les gens, généralement, vont parler de respect dans la création d'une alliance fondée sur une sorte de profit de l'échange là, qui est pas nécessairement matériel là, mais qui va en relation avec cette capacité de faire confiance à l'autre dans son jugement, dans sa parole, dans ses idées. La façon que vous parlez, c'est très restreint le champ de confiance qu'on peut avoir avec quelqu'un indépendamment du respect qu'on a pour lui. C'est comme si pour respecter un individu, il faut reconnaître une partie de son être avec ses limites puis ses capacités. Pour respecter l'individu, il faut reconnaître une conscience vibratoire. Si vous ne pouvez pas reconnaître qu'une personne a une conscience vibratoire, vous ne pouvez pas la respecter. Ben, à ce moment-là, il n'y a personne, Bernard, qui peut respecter un autre parce qu'il n'est même pas conscient lui-même d'être vibratoire. Les gens, en général, ont un jugement psychologique sur les autres. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, quand je dis que vous ne pouvez pas respecter une personne si elle n'a pas une certaine conscience vibratoire, ça veut dire que vous ne pouvez pas avec cette personne-là, entretenez des liens de confiance très avancés. Vous pouvez respecter tout le monde, mais vous pouvez pas, je peux respecter le garagiste, en tant qu'homme. D'une façon protocolaire. Ouais. Protocolaire. Mais je peux pas entretenir des liens de confiance avec lui. Ouais. Pour entretenir des liens de confiance avec une personne, faut que cette personne-là ait une conscience vibratoire. Quand l'homme est conscient, il demande dans ses relations, ou il demandera dans ses relations humaines que la personne ait une conscience vibratoire. C'est quoi les particularités de la conscience vibratoire? Une personne qui a une conscience vibratoire, elle est psychiquement neutre. Bon, ça se vérifie comment? Ça se vérifie par Il y a quelque chose d'inconditionnel dans sa relation avec ta personne. Est-ce que ça demande beaucoup de temps pour reconnaître ça? Ça peut demander du temps, dépendant de son tempérament, son caractère, sa nature astrologique. Je vais changer ma question. Est-ce que ça demande des événements pour reconnaître? Oui, définitivement. Il faut qu'il y ait des tests. Je reviens encore aux tests. Vous ne pourrez jamais développer une relation humaine basée sur le respect, puis bénéficier en périphérie de ce que j'appelle la confiance, ou ce que vous appelez la confiance, si les gens ne sont pas testés dans cette conscience vibratoire-là. Sans ça, vous jouez le jeu de l'involution. Bon, ça, là, si je le comprends, là, la compétence d'un individu, ses talents, ce n'est pas suffisant pour le respecter. Non, parce que la compétence, c'est simplement un appui psychologique de son ego en fonction de la mémoire de l'âme. C'est purement mécanique, la compétence. Il n'y a pas de lumière dans la compétence. C'est simplement mécanique. Est-ce que, à l'envers... C'est de la personnalité. À l'envers de cette affirmation-là, est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait respecter des gens même s'ils n'ont pas de compétence ou de talent? Moi, j'ai un secrétaire qui est très compétent. Il est là, très compétent. Oui. Bon, incompétent. Fait que ça, c'est bon. Mécaniquement, c'est bon. Oui. Mais c'est pas parce qu'elle est compétente qu'elle travaille pour moi. Elle travaille pour moi parce qu'elle a une certaine sensibilité, une certaine conscience vibratoire. C'est ça qui fait que sa compétence devient utile. Okay. Parce qu'il y en a d'autres femmes dans le monde qui sont compétentes, que je pourrais engager. Mais il n'y aura pas cette sensibilité, cette conscience vibratoire-là. Donc, la compétence n'est pas une mesure. Du respect qu'on a quand même. Non, non, aucunement. Bon, ça, c'est un paramètre intéressant. À ce moment-là, vous respectez un individu sur la base de sa sensibilité. Sur la base de sa conscience vibratoire. Ouais, même si elle n'est pas consciente. Elle peut avoir une conscience vibratoire. Oui. Une personne peut avoir une conscience vibratoire sans savoir qu'elle a une conscience vibratoire. Oui, oui. Donc, elle va avoir une certaine sensibilité. Elle va avoir une certaine lumière. Ça se reconnaît comment, ça? Par la fidélité que l'individu a? Non, ça se reconnaît par sa consistance. Tu regardes aujourd'hui, tu regardes dans 10 ans, tu regardes dans 15 ans, ça ne change pas. Toujours pareil. C'est réel, ça fait partie de sa réalité, ça fait partie de sa personne. OK, donc une conscience vibratoire, ça a une permanence. Une conscience vibratoire, ça a une permanence. D'ailleurs, c'est la fondation même de la permanence. La conscience, une conscience psychologique, ça n'a aucune permanence. Aujourd'hui, ça va bien, mais ça ne va pas bien. Pourquoi? Que c'est polarisé. Okay. C'est basé sur des intérêts, c'est basé sur des profits, c'est basé sur la personnalité, c'est basé sur l'âme. Ça n'a aucune permanence. Un homme conscient ne laissera jamais tomber un homme inconscient. Mais jamais, jamais, jamais, jamais. Tandis qu'un homme inconscient va laisser tomber un homme inconscient. C'est l'histoire de l'humanité. Tout le monde se laisse tomber. On est au-dessus le dos. Mais un homme conscient peut être obligé de se couper de liens. Ah, pas pareil. Se couper, c'est intelligent. Oui. Se couper des liens qui ne sont pas suffisamment créatifs ou de personnalités qui ont trop de failles, ça fait partie d'être intelligent. Quand tu es intelligent, quand tu as une conscience créatrice, tu es indépendant dans ton esprit. Tu peux pas fonder tes alliances sur des attitudes. Donc, c'est très conscient, le conscient. C'est intelligent, le conscient. Il n'y a pas d'émotion, ni une blablabla. Ouais. Il n'y a pas d'émotion, pas de sentiment de sensiblerie, il n'y a pas de... C'est plus de la personnalité, c'est de la personne, c'est de la lumière. Bon, dans le respect, il y a une sorte de permanence, on l'a dit, mais comment qu'on peut se dégager de l'attachement fanatique? Comment on peut démêler finalement deux êtres qui se respectent puis ceux qui sont dans une sorte de contrat d'âme là, qui est quasiment fanatique, bon, qui donne l'impression d'un respect. Ça, c'est la spiritualité, ça va sauter un jour, il y en a qui va s'écœurer de l'autre. Dans le respect, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette fatigue puis cette routine. C'est pour ça que je fais toujours des jokes concernant les âmes sœurs, tu sais. Tant que c'est pas votre cousine. C'est mon âme sœur. Quand vous rencontrez tous vos âmes sœurs, c'est évident. Vous rencontrez tous vos âmes sœurs. C'est tous les gens qui font des recherches spirituelles. Ils cherchent mon âme sœur. Mais c'est quand tu vas avec, toi, c'est ta sœur, ta cousine. Ok. Alors, dans une démarche où on a à se dégager de la survie, comme vous avez dit, vous mettez l'accent sur le fait des alliances. Une alliance, est-ce que c'est long à construire? Oui. Bon. C'est long parce que c'est pénible. C'est pénible parce que c'est nécessairement transmutatif. C'est parce que c'est transmutatif, long et pénible, que c'est solide. OK. Mais quand on parle long, c'est parce que vous avez un registre de temps qui est un petit peu inhumain des fois. Quand vous dites long, on peut, pour un être humain normal, là, c'est combien de temps long à ouais. bâtir une alliance? Non, c'est tout. Parce que vous, 14 ans, 15 ans, il n'y a rien là pour vous. Là. C'est-tu ouais. ce registre de temps-là? Mais pas nécessairement. Long, ça dépend des individus. Les individus se rencontrent avec différentes affinités. Il y a des individus qui se rencontrent puis ça clique. Boum, de même. Il y a des individus qui se rencontrent puis ça clique moins vite. Puis ça dépend de ce qu'ils ont à faire ensemble. Ça dépend de leur registre. Ça dépend des conditions de leurs incarnations. Ça dépend des rapports qu'ils ont à faire, qu'ils ont ensemble. Ça dépend des rapports de la force qui les amènent ensemble. Ça dépend de leur relation. Ouais. Il n'y a pas tant. Ça peut être une reconnaissance immédiate. Oh, ça peut être immédiate, puis ça peut être 15 ans, 20 ans. Okay. Ça dépend de du transfert d'énergie qui doit être fait. Ça dépend du travail qui doit être fait. Ainsi de suite. Ça dépend des événements dans lesquels ils doivent se faire. C'est plus long de polir un diamant que de polir une pierre à savon. Par contre, un diamant, ça fait un travail beaucoup plus précis. Mm-hmm. OK. Est-ce qu'une personne... Vous pouvez pas vous attendre à rencontrer des hommes dans le monde qui sont importants. Importants, je veux dire, en puissance créative. Puis pouvoir travailler avec eux autres, là, puis ça se fait de même. Là, parce que déjà, ces gens-là, on leur régisse. Mm-hmm. Tu sais, Rabin, puis comment est-ce qu'il s'appelle, le chef des Palestiniens, Arafat, quand ça se rencontre, ces hommes-là, ils ont déjà un régisse très élevé. Fait qu'avant qu'ils puissent réellement travailler ensemble, c'est long pour se concorder. Mm-hmm. Tandis que les gens dans la rue, mais c'est facile de se rencontrer. Bon, c'est la même chose pour un être conscient qui rencontre un être conscient. Il y a un perfectionnement qui doit se faire, puis souvent, ces gens-là ont des hauts régisses, puis il faut travailler dans ces hauts registres-là pour amener finalement ces êtres-là ensemble à pouvoir travailler ensemble. C'est ça qui est long. Mmh. C'est toujours plus long de travailler avec un être d'une grande responsabilité incarnationnelle qu'avec un être qui a une moindre responsabilité incarnationnelle. Parce que déjà, ces êtres-là ont des talents beaucoup plus puissants, mais qui sont astralisables. Mmh. Tous les hommes sont astralisables jusqu'à temps que les hommes passent une conscience mentale. Donc à ce moment-là, mais ils passent du talent à la conscience créatrice. Ça, c'est long. Mm-hmm. C'est ça qui est là. OK. Donc, le respect, c'est un travail qu'il faut faire avec une personne. Non. Le respect, c'est une condition mentale de votre esprit par rapport à l'esprit de l'autre. C'est un instantané, ça. Mais que l'homme n'a pas facilement, parce qu'on a trop de personnalité. Mm. Plus on est conscient, mais plus ça devient facile. Donc, ce que vous dites, c'est que fondamentalement, on est tout apte à respecter, mais on est voilé. Et qu'on doit défaire ces voiles-là pour faire éveiller le respect. Fondamentalement, on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est le respect. C'est parce que ça revient souvent, vous, le respect, comme étant comme la base pour éliminer la survie, pour parce faire que je parle, parce que je parle de l'homme évolutif. Oui. L'homme en évolution de conscience, qui passe de l'involution, qui s'en va vers l'évolution, qui reconnecte avec son double au niveau télépathique, doit éventuellement prendre conscience vibratoire du respect. Ça doit faire partie de sa conscience vibratoire. Ça peut pas être autre. La transmutation va le créer, ça, cette condition-là. Mm-hmm. Sinon, l'homme ne pourra jamais descendre cette énergie-là dans la matière et créer les fondations d'une nouvelle conscience raciale. Mm-hmm. Est-ce que les forces de la lumière peuvent fragmenter intégralement la conscience psychologique d'un être pour l'amener à respecter ou à se faire respecter par un autre? Les forces vibratoires, les forces de la lumière peuvent faire n'importe quoi. Ça dépend de leur contact avec l'homme. Ça dépend de sa source universelle. Ça dépend de quelle planète il vient. Ça dépend de son circuit universel. Ça dépend de son statut universel. Ça dépend de son rôle occulte sur la planète. Mm-hmm. Effectivement. Fait que les conditions de respect sont pas applicables pareil pour tout le monde. Ils sont pas applicables pareil pour tout le monde. Non, parce que le respect, c'est un outil de travail sur une planète. Un homme qui a un rôle à jouer qui a une certaine envergure au niveau d'un rôle à jouer sur une planète, automatiquement, s'il est conscient, va devenir un être avec lequel ou pour lequel le travail va devenir réellement un outil chirurgical dans ses relations humaines. Le respect va devenir un outil. Ah oui. C'est un... T'as pas besoin de grand-chose dans la vie, tu sais, pour fonctionner. Si t'as du respect, tu peux aller bien loin. Si t'as pas de respect, tu peux aller bien gros. Est-ce que vous diriez que c'est avec le respect que l'individu va être capable de s'adapter dans un futur? C'est avec le respect que l'homme va être capable de développer des liens qui vont permettre finalement une adaptation sociale très avancée qui permettra éventuellement à des hommes, quelles que soient les conditions socio-économiques ou politiques, de passer à travers la grande phase astrale arimanienne de la civilisation industrielle. Ouais. Dans l'évolution à venir, on parle beaucoup d'apocalypse puis de situations extrêmement difficiles. Est-ce que le mental des gens sur la planète va être très attaqué? Ça dépend des individus. Le mental de l'homme va être attaqué en fonction de ses craintes, puis en fonction de sa personnalité, puis en fonction de du caractère évolutif de sa conscience ou de son inconscience. C'est évident que le mental va être plus attaqué parce que l'astral devient de plus en plus fort. Mm-hmm. Puis le contact entre l'homme et les forces de la lumière s'établit de plus en plus. Donc, il y a une polarisation des forces cosmiques sur la Terre. Bon, est-ce que le respect peut neutraliser ces états-là? Le respect, c'est simplement pour le respect, ça fait partie de sa conscience vibratoire. Un homme qui a du respect, automatiquement, peut travailler facilement avec des hommes, les aider, le reconnaître, leurs conditions, faciliter leur passage à un autre niveau d'expérience, matériel ou psychique. Donc, un homme qui respecte l'homme, automatiquement, est capable d'amener vers lui une certaine lumière, une certaine compréhension, faciliter le rite solaire de sa vie nouvelle, oui. OK. Donc, il peut neutraliser les insécurités et les peurs des gens. C'est ça. Okay. Parce qu'il y aura l'intelligence avec qui ira avec son respect. Mais il faut qu'il ait du temps. Ben, le temps, ça fait partie du développement de sa propre conscience. Non, mais je veux dire, dans la relation, il faut qu'il y ait quand même le temps. Il y a toujours du temps. OK. Donc, c'est impossible dans une société qui perd les pédales de penser qu'on peut respecter tout le monde. Bon, non, vous pouvez pas respecter tout le monde. Puis c'est pas nécessaire non plus. Mais c'est parce que pour un être spirituel, ça semble être une sorte de prérequis, respecter, aimer une collectivité ou ces choses. Ouais, ça fait partie de la conscience spirituelle astrale de l'homme évolutif. Tu sais, j'ai toujours le portrait, moi, le portrait de la bonne sœur ou du bon curé ou de la bonne personne. Tu sais, les gens qui sont fins, là, sont bons, puis sont toujours fins et sont toujours bons tant que ça va bien, mais quand ça va mal, tu vois que il sort des petites épines de la colonne vertébrale. Ils ont un petit peu de cactus dans la surface de la peau. Ils sont pas aussi fins, ils sont pas aussi bons. Tu sais, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, là. Ça, c'est réellement de l'astral spirituel. Mm-hmm. Quand on pourrait dire tout le monde est intelligent, mais là, on passera à un autre niveau d'évolution. Tout le monde il est fin, tout le monde il est gentil, là. Quand l'homme est testé, when the chips are down, that's when you see. Mm-hmm. OK. L'autre question qui vient. Je vomis sa spiritualité. Ouais. L'autre question qui vient à l'idée, là, c'est on développe dans notre société des compétences, des talents pour pouvoir être reconnu dans un milieu quelconque pour finalement se dégager de la survie. Est-ce que c'est une illusion de penser que dans les temps à venir, l'éducation, l'instruction qu'on a peut nous sortir de la survie? L'éducation matérielle? Universitaire, c'est chaud. L'éducation est très nécessaire parce que l'éducation, c'est un outil astral, c'est un outil pour la personnalité de l'homme. Au-delà de l'éducation, il y a une autre science, puis l'homme éventuellement pourra connecter les deux. Puis, vous pouvez pas vivre sur une planète matérielle simplement avec une conscience créatrice. Ça vous prend des outils. Mm-hmm. Bon, l'éducation, ça fait partie de ces outils-là. Mais de là à devenir prisonnier d'éducation, c'est une autre chose. Développer de l'éducation puis oublier le reste, c'est pas intelligent. Donc, il y a deux niveaux de conscience. Il y a un niveau de conscience matérielle, rationnelle, puis un niveau de conscience réellement suprarationnelle. Il faut que ça se fonde, ça. Bon, mais ça, c'est de la conscience supramentale. À ce moment-là, vous faites des affaires, vous travaillez dans le monde, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte, vous êtes médecin, mais en même temps, vous êtes en contact avec les plans parallèles. Mm-hmm. Bon, mais ça, c'est l'homme nouveau. OK. Puis c'est ça qui va permettre à l'individu de s'adapter dans les temps à venir. C'est ça qui va permettre à l'homme de s'adapter très, très facilement au temps à venir, quelles que soient les conditions d'ailleurs. OK. Donc, juste un élément, c'est pas suffisant. Non. Faut que l'individu ait une sorte d'instruction mécanique. Ça prend une conscience. Ça prend une conscience matérielle, rationnelle, basée sur le talent. Puis ça prend une conscience immatérielle, supramentale, basée sur la lumière. Les deux ensemble font un homme neuf, créatif, conscient. Ça, c'est l'évolution. OK. Qu'est-ce qui empêche les individus qui sont dans un processus intellectuel, universitaire, ce jour-là, ou scolaire quelconque, ou éducationnel quelconque, de pouvoir valider dans un sens une conscience, disons, plus immatérielle, comme on parle ici, et de marier les deux? Qu'est-ce qui limite ça? Ça fait partie de l'évolution de l'humanité, ça. C'est long. Ça fait partie de l'expérience personnelle. Peut-être que le gars, il a pas tombé en bas de son musique à gasoline, il a pas perdu un bras. Quand tu perds un bras, tu changes. Tu commences à avoir des idées quand t'es tendu sur ton lit à l'hôpital. Bon, il y a des chocs qui se créent. L'homme qui passe de l'inconscience à la conscience, souvent il vit des chocs. Tous les hommes vivent des chocs. Que tu perds ta femme, tu perds ta blonde, tu perds tes enfants, la vie où tu perds ta job, où tu perds ton poste à l'université, institut, où tu peux plus lire, comme tu peux. Tu sais, il arrive quelque chose, puis là, tu commences à... Ça dépend de l'évolution de l'individu. Mm-hmm. Autrement dit, ceux sur la Terre qui doivent passer un autre niveau d'évolution, ils vont passer un autre niveau d'évolution. Mm-hmm. C'est écrit ses murs, ça, puis ça fait partie des temps, ça fait partie de la conscientisation de l'humanité, ça fait partie du développement de l'information, ça fait partie des nouvelles diffusions, des nouvelles connaissances qui viennent maintenant qu'on n'avait pas avant. Mm-hmm. Ça dépend des individus. Il y a des individus qui vont évoluer très rapidement dans une vie, il y en a d'autres qui vont mourir pour m'en revenir. Mm-hmm. Puis, on peut pas s'occuper de l'évolution de l'humanité. On s'occupe de l'évolution de soi. Mm-hmm. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que les gens qui développent une certaine sensibilité à cette évolution de conscience-là, je sais pas si c'est une maladie, mais en tout cas, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une perte de mémoire assez flagrante. Puis une sorte de désintérêt assez chronique aussi des outils dans lesquels les gens ont fonctionné, c'est-à-dire des structures dans lesquelles ils ont fonctionné, ils ont quand même besoin de se détacher de la structure, de pas être victime de la structure. Ce qui amène évidemment une tendance justement à se couper de l'outil qu'ils ont, disons, pendant des années nourri là, au niveau d'une éducation quelconque. Est-ce qu'il y a une erreur que les gens font à ce moment-là ou c'est un processus normal? Non, ça fait partie du choc de la lumière sur les corps. C'est normal, mais il faut que les gens se ressaisissent assez rapidement pour se rebalancer et se regrounder. Mm-hmm. Sinon, ils vont se spiritualiser, puis ils vont s'astraliser, puis ils vont finir dans des conditions de vie pénibles. Mm-hmm. Là, quand on parle de conscience supplémentaire, on parle pas de séparation du matériel avec l'immatériel. On parle d'intégration des deux mondes. Mm-hmm. On parle de capacité d'être réellement grounded, d'avoir des racines dans la matière, mais aussi des racines dans le monde de lumière. Et ça, c'est pas facile, parce que le monde de lumière, quand il pénètre l'homme, il transforme réellement sa personnalité, il lui fait voir des choses qu'il voyait pas avant, ainsi de suite. C'est ça qui crée d'ailleurs le dérapage. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont plus sérieux que d'autres, il y a des gens qui sont plus balancés que d'autres, il y a des gens qui sont plus mûrs que d'autres. Puis, pour ajouter à ça, ce que vous dites, bon, ben, à ce moment-là, ben, quand vous rencontrez des gens que vous savez un petit peu déstabilisés, un petit peu trop partis dans la spiritualité, bon, essayez de ne pas trop accélérer le processus. Ramenez-les à la matière, ramenez-les au travail. Si vous les nourrissez trop de certaines choses dont ils sont pas prêts aujourd'hui à prendre conscience, mais là, vous allez les débalancer, ainsi de suite. Là, ça fait partie encore de leur expérience, ça fait partie de la mode. Un homme qui est conscient n'est pas intéressé à débalancer les hommes qui sont dans le matériel. Mm-hmm. Par contre, les hommes dans le matériel, pour prendre conscience, il faut qu'ils soient débalancés un petit peu, mais ça, c'est leur propre énergie qui va les débalancer. Mais faut toujours revenir, faut revenir au ground, à la racine. Faut faire la synthèse de l'invisible avec le matériel. Si vous restez dans l'invisible, vous allez finir comme des vrais moines. Vous allez finir comme des moineaux, plutôt. comme ma fille a dit, des oiseaux. Des oiseaux. Un autre phénomène, Bernard, on parle beaucoup de ground, de revenir à la matière. Mais curieusement, quand on a été touché à cette lumière-là, cette conscience-là, quand on revient sur le ground, on dirait que le ground est toujours trop petit pour la charge électrique. Le ground est trop petit parce que l'intelligence créatrice est immense, est très grande, puis à ce moment-là, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est là que l'homme, autant l'homme n'a pas cherché pendant l'involution à développer des alliances, autant l'homme conscient va développer des alliances. Ça prend des alliances pour absorber cette énergie-là. L'homme, vous pouvez pas vivre de cette énergie-là tout seul dans votre coin, là. L'homme conscient va développer des alliances, puis ça va lui permettre d'ailleurs ces alliances-là de supporter cette grande énergie-là. Mm-hmm. Puis, mais pour développer des alliances, dans le sens que je le parle, mais ça prend une émancipation de la personnalité. Il faut que l'homme ait beaucoup d'identité. Faut qu'il sorte de la tromperie de son ego. Faut qu'il sorte de de la petitesse de son esprit. À ce moment-là, mais il rencontre des gens parce qu'il y a des gens réellement merveilleux dans le monde. Fait quand vous rencontrez ces gens merveilleux-là, puis que vous formez des alliances avec eux autres, puis que vous avez du respect, puis que vous êtes psychiquement net, parce que vous avez une conscience vibratoire, à ce moment-là, cette grande énergie-là qui descend dans le monde, elle peut se placer. Elle a besoin cette énergie-là a besoin d'un vase pour se manifester. Puis elle ne peut pas être contenue, fixée dans l'homme là, puis rester là. C'est anti-spirituel, la conscience créatrice. Mm-hmm. La spiritualité, ça fait partie de l'évolution. C'était nécessaire pendant l'évolution parce que l'homme n'était pas intelligent. Mais là, on rentre dans l'âge du Verseau. On n'est plus dans l'âge du poisson, là. Mm. Poisson avec le grand œil, là. Non. Bernard, est-ce que c'est possible que quand cette lumière-là rentre dans la matière, elle oblige l'individu qui a traité la matière, avec cette matière-là, à traiter différemment de ce qu'il traitait dans le passé? Oui, parce qu'à ce moment-là, il a plus les mêmes valeurs, il a plus les mêmes attitudes mentales qu'il avait auparavant. Il fonctionne plus dans un corps psychologique, il fonctionne dans un corps psychique. Donc à ce moment-là, il travaille plus avec le matériel comme avant. Avant, il travaillait avec le matériel pour son bien-être personnel, pour sa vie personnelle, pour sa carrière, pour sa fierté, pour ce que le voisin pouvait avoir. Il était un carriériste. Dans ce qu'une fois que l'homme est conscient, l'homme travaille plus pour voir ce que le voisin pense de lui. Il travaille simplement parce que ça fait partie de sa créativité. D'ailleurs, il ne travaille plus. Mm-hmm. L'homme inconscient, l'homme de l'évolution travaille. L'homme de l'évolution ne travaillera plus. Moi, j'ai déjà développé un thème, pour ça j'appelle ça, je dis, il œuvrera, autrement dit, il travaillera créativement, l'homme. Mm-hmm. Parce que ça sera plus basé sur des réflexions psychologiques subjectives de l'ego. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous le savez, quand on était jeune, on allait à l'école, on allait à l'université, on voulait devenir médecin, on voulait devenir ci, on voulait devenir ça. Pour la fierté de la personnalité, puis c'est normal, puis c'était bien. Mais dans l'évolution, l'homme deviendra autre chose. Il deviendra des choses qui font partie de sa nouvelle vibration. Puis à ce moment-là, les reflets psychologiques, puis la valorisation psychologique de l'ego, ça sera totalement disparu de sa conscience. Et à ce moment-là, l'homme travaillera créativement avec des hommes. Et de cette relation-là, se créera des liens. De ces liens-là, se créera des systèmes créatifs et de ces systèmes-là naîtra éventuellement une micro-société. Maintenant, pour terminer, est-ce que les gens qui ont l'impression d'être ratés, est-ce qu'ils vivent sur une illusion? Les gens qui ont quoi? Qui se pensent ratés dans la vie. Là. Se penser raté, c'est une très grande souffrance pour l'homme. Puis c'est une illusion, mais ça nécessite une transmutation profonde de l'être. Puis il y a des hommes qui sont réellement ratés parce qu'ils n'ont pas la puissance intérieure pour détruire leur propre astralité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité mentale de détruire les pensées astrales qui violent leur territoire psychique. Ils ne connaissent pas suffisamment le phénomène de la pensée, ils ne connaissent pas suffisamment la nature de l'ego, souvent ils sont affectés par des entités astrales. Puis ce sont des êtres qui sont faibles parce qu'ils n'ont pas réussi à transmuter leur sensibilité en force incisive. Un homme qui est sensible doit transmuter sa sensibilité dans une force incisive. Sinon, la sensibilité devient de la sensiblerie. Puis si on vit de la sensiblerie, on n'a pas de puissance. Puis si on n'a pas de puissance, on demeure prisonnier des autres, on demeure prisonnier du système, on n'a accès à aucune identité. Et à ce moment-là, on peut pas sentir notre lumière. Donc, on vit par rapport à des talents. Puis, les talents ont été conditionnés par une incarnation qui était réellement bâtable, c'est-à-dire non enrichissant, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. On a l'impression d'être, on a l'impression d'être des êtres qui sont nés pour un petit pain. Il n'y a aucun homme qui est né pour un petit pain. L'homme est né pour la lumière, mais pour passer du petit pain à la lumière, faut qu'il transmute la croûte. Merci Bernard. On vous ramène sur les qualités et les défauts en deuxième partie.